Alors que s'ennuie à mourir, la duchesse Josiane, sœur d'Anne, la reine d'Angleterre, un homme lui dit un jour « Pour l'ennui, il n'y a qu'un remède. Lequel ?»« Gwynplaine. » La duchesse demanda « Qu'est-ce que c'est que Gwynplaine ?